FrenchPod.com. Enchanté, je m'appelle Antoine. Enchanté. Et toi, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Sandra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.